Chasse à l'or, on a tué la bête. Ressuscité pour pouvoir toucher de l'or. Chasse à l'or, tu cherches comment je m'habille, comment je mène ma vie. Viens me voir, place des fêtes. Chasse à l'or, on a tué la bête. Ressuscité pour pouvoir toucher de l'or. Chasse à l'or, tu cherches comment je m'habille, comment je mène ma vie. Viens me voir, place des fêtes. Je remercie Dieu d'être encore en vie, d'avoir une femme qui m'aime. Inch'Allah qu'un jour j'aurai des petits, mon cœur palpite. Quand je fais une bonne chose, et mon regard se détourne vers le monde de la folie. Je rêve d'un monde vieux, de mes portes libres, où tout le monde serait heureux avec des cas libres. Je voulais être un proxénète, un mafieux, un plus graveur de sa venette. Mais tu tombes vite, je voulais qu'Hadès soit une star, qu'Hadès vive. Mais Hadès c'est moi, et aujourd'hui j'ai peu d'espoir. Moi je lutte pour réussir dans le droit chemin. Si j'avais su, j'aurais quitté ce passage. Chasse à l'or, on a tué la bête. Ressuscité pour pouvoir toucher de l'or. Chasse à l'or, tu cherches comment je m'habille, comment je mène ma vie. Viens me voir, place des fêtes. Chasse à l'or, on a tué la bête. Ressuscité pour pouvoir toucher de l'or. Chasse à l'or, tu cherches comment je m'habille, comment je mène ma vie. Viens me voir, place des fêtes. Quand je vois les grands de mon quartier qui me disent continue. Tu sais, petit, t'as du talent, la route est longue. C'est vrai, mais sans Dieu, tu n'es plus. Aucun humain viendra te couper la langue. Calcule pas les rageux qui surveillent ta sable. Ton style, comment va ta rate, ton slip. Chacun avance comme il peut. Et niveau casier judiciaire, t'arriveras jamais à mentir. Devant ta rien, coupe de baisse, va risque de la grosse jobelle. Au lascar de la banane, au vrai foulec de ville belle. Paris la santé, je représente les tollards qui ont la dalle. Et les refrais qui ont pris des big bets. Chasse à l'or, on a tué la bête. Ressuscité pour pouvoir toucher de l'or. Chasse à l'or, tu cherches comment je m'habille, comment je mène ma vie. Viens me voir, place des fêtes. Chasse à l'or, on a tué la bête. Ressuscité pour pouvoir toucher de l'or. Chasse à l'or, tu cherches comment je m'habille, comment je mène ma vie. Viens me voir, place des fêtes. Chasse à l'or, on a tué la bête. Ressuscité pour pouvoir toucher de l'or. Chasse à l'or, tu cherches comment je m'habille, comment je mène ma vie. Viens me voir, place des fêtes. Chasse à l'or, on a tué la bête. Ressuscité pour pouvoir toucher de l'or. Chasse à l'or, tu cherches comment je m'habille, comment je mène ma vie. Viens me voir, place des fêtes.